dire. Le jour où j'en ai marre d'écrire, je t'aime que des insultes. Y'a trop de choses qui me rendent fou ici, la femme et l'argent. La drogue, le fait de pas être enrichi, ça vient de Marseille avec ses clichés. Je crache sur la France et rappelle-toi de l'époque de Vichy. On le sait, que je prends une star dans les showbiz comme Lionel Richie. Mais quand j'en vois sans pitié. Ça représente pour le vrai, je m'en bats avec d'où tu viens, frère de Kitché. Je représente pour les fumeurs, buveurs, mais pour mauvaise humeur. Je t'annonce la couleur et d'entrée, faut que ça reste concentré. Que je t'envoie le zoom pour pas qu'on dise que je suis là pour plaisanter. Je vis une vie à rien faire, une vie de plaisancier. Niquer la justice et les créanciers. Comment, man? Mon dû sur un plateau, père des ados. J'ai dû faire des saltos et des saltos comme ces membres. J'ai dû être cobaye du ghetto, souvent guetta, combat avec ou sans couteau. Comment, man? Si tu contestes mon crew, Ali, man. Écoute ça et goûte ça. Commodo Mess Rim, Made in Marseille. Marseille City.com. Je dédie mes textes à ceux qui comprennent, à ceux qui prennent le temps de capter mes paroles. Mon rôle de MC s'enrôle, c'est même si ça râle autour parole. Je garde mes pieds au sol, tant que le mal je contrôle. Te casse, papy. Commodo Black Punch, pratique mes anti-képi. Puis t'es qui, toi, pour jouer le hippie. Ici, rien de pis, et puis tant pis. Fils, roi des caisses tendues. Tandis qu'ici, on vit tous tendus. Aux briques pendues, plein de ceux aux frics vendus. Aux flics vendus, mais t'es tous tendus. A fait partie des mecs qui fondu, pur hip hop de fondu, enfin du vrai et vrai, les faux MC ou joue pas le cramé. Mon fou, ici les jeunes tôt apprennent à ramer. Mon flow reste amer plus que jamais. Pour la peine, j'y amène. Tant que t'as pas la lampe plantée dans l'abdomen, man. On reste tous plantés dans ce domaine. Marseille, d'où je mène mes MC. Essaye, bouge, mène les mêmes si la haine circule. Mon matricule reste le même. C-O-M-O-T-O. Dans mon quartier, un 70 acharclé les juges. Masque au modo en 2004 pour les nantes féroces qui purgent. Ce qui urge, c'est peut-être s'en sortir. Même pas une vie de merde avec un putain de chien à sortir. Tu sais de quoi je parle quand ça vit la merde au quotidien. Pourquoi je n'en frère, je ne sais rien. Mais en tout cas, je le fais si je pars avec les poches pleines. Pour l'inculerie, c'est mon domaine. Rue de gaz jusqu'au domaine. Ça vient de Marseille City, ça te fait mal dans l'abdomen. Ça représente les mecs des blocs et des quartiers qui sont présents. Car la paix c'est pas pour nous, man. On a les nerfs et tous les jours un peu plus la foi nous retient. Pour l'avenir ça compte sur nous-mêmes. Ce que tu veux qu'on compte, y'a que des putes autour. Un chapter sur les vautours. En bas des tours la gave, le mal leur frappe au quotidien. Les tiens à vrai dire, j'attends leur soutien. Battant toujours, tu sais qu'ici on crève la bouche ouverte. Tu sais que c'est pas une découverte d'un milieu à l'image de ce monde. La route donne de besoin. J'apprends sur taille quand les sentences tombent. Des fois sévères, le châtiment est là, esquive les revers. C'est notre vie était comme hiver.